Puis, quand nous fûmes près de l'homme, inquiet et pâle, mais sans cesser de rire, « La Providence vous envoie. C'est moi qui suis le rossignol, un vieux rossignol pris au piège, mais qui n'a plus cœur à chanter. » Et il nous montrait ses maigres jambes, que le fouillis de sarments souples et de folles pousses enlaçait. « Je me débats depuis une heure. Sans vous, je ne m'en tirerai pas. » Pâle toujours, riant toujours, à deux pourtant nous le livrâmes. Une fois sorti de la vigne, il nous laissa prendre des cerises et partit, courbé sur son bâton. Le pauvre homme mourut la nuit même. On disait qu'il avait pris froid. Je vis passer son enterrement. Et quand je racontais l'aventure à Thésie, en lui donnant sa part de cerise, un secret émoi me poignait, fait de la compréhension vague et flottante et bleue, ainsi qu'un clair de lune, de ces deux étranges mystères enfantinement devinés qu'on nomme l'amour et la mort.